chagrin. Faut toujours devoir quelque chose à quelqu'un. Faut toujours supporter de suivre le troupeau. Faut toujours surveiller ses organes génitaux. Faut toujours s'afficher avec un écriteau. Faut toujours endurer les rabots de tripot. Oui, mais moi, je ne peux pas. Dis-moi comment tu fais, toi. Oui, mais moi, j'y arrive pas. Dis-moi comment tu fais, toi. Comment va la vie pour toi? Yeah.